À l'occasion du 53e anniversaire de l'intégration du général Kim Jong-il au comité central du Parti du Travail de Corée, Tiemoko Sangare, président du Parti africain pour la solidarité et la justice du Mali, a fait parvenir le 7 courant un message de félicitations au dirigeant suprême Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et commandant suprême de l'armée populaire de Corée. Le destinataire a indiqué que les grands exploits de son Excellence Monsieur Kim Jong-il, qui a conduit le Parti du Travail de Corée pendant plusieurs dizaines d'années, sont la force motrice éternelle qui encourage dynamiquement l'œuvre socialiste du peuple coréen. Et il a souhaité santé au camarade Kim Jong-un et plus grand succès dans son travail responsable.